Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le récit d'un drame qui a marqué l'histoire de l'Amérique, la fusillade de Kent State. Le 4 mai 1970, sur le campus d'une université de l'Ohio, la garde nationale des États-Unis ouvre délibérément le feu sur un rassemblement pacifiste. Pendant 13 secondes, sous l'œil des photographes et des journalistes, des soldats américains massacrent des étudiants pacifistes et le bilan est terrible. On dénonce 4 morts et 9 blessés graves. Succession de hasards malencontreux, de décisions politiques désastreuses et d'un engrenage infernal, la fusillade de Kent State est l'une des plus grandes tragédies américaines du XXe siècle. Un chapitre pourtant méconnu et souvent oublié. Enfin, ce drame de Kent State s'inscrit dans un contexte plus large. La guerre du Vietnam et la crise morale dans laquelle elle a plongé les Américains. Il nous rappelle aussi, ce drame, le fléau des violences policières, qu'elles sévissent aux States ou ailleurs, et y compris dans des sociétés démocratiques, la preuve. Notre invité aujourd'hui, Thomas Negaroff, historien, spécialiste des États-Unis, journaliste à France Info. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Amérique et son dernier livre s'y rattache par un lien étonnant. Pudzi, c'est le titre du livre, paru chez Gallimard en octobre dernier. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec Lina, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Il est tout juste 6 heures du matin et nous revoilà pour une nouvelle émission sur la radio des forces armées. Je suis Adrian Kranauer et pour les 4 prochaines heures, nous avons la meilleure musique pour vous. Et ça commence dès maintenant. Musique. Au milieu des années 60, le monde entier a les yeux tournés vers l'Asie du Sud-Est et vers un petit territoire devenu malgré lui le nouveau théâtre de la guerre froide, le Vietnam. Par le jeu des puissances locales interposées et des alliances, l'armée américaine conduit une guerre hors norme par son ampleur et inédite par sa couverture médiatique. D'un simple engagement limité 10 ans plus tôt sous l'administration Eisenhower, puis sous celle de Kennedy, en 1967, l'Amérique du président Johnson joue, en revanche, les premiers rôles dans le conflit qui oppose les communistes du Vietnam Nord, soutenus par la Chine et l'Union soviétique, à la dictature pro-occidentale du Sud-Vietnam. Au motif de la théorie de l'endiguement du communisme, le président Johnson a obtenu du Congrès les pleins pouvoirs militaires. La guerre du Vietnam est désormais sa guerre. Il en a hérité, il veut la gagner. Au début de l'année 67, le Pentagone dispose au Vietnam d'un contingent de plus de 480 000 hommes, dont une grande majorité est issue de la conscription. Mais malgré une puissance de feu disproportionnée, à l'avantage bien sûr des États-Unis, le conflit s'enlise. À Hanoï, capitale du Nord-Vietnam, les communistes ne lâchent rien. Pire, grâce à l'aide matérielle de Pékin, les soldats Vietcong s'infiltrent régulièrement dans le sud du pays. Une fois sur place, ils mènent des actes de sabotage meurtriers et des attentats contre les soldats américains au cœur même de l'autre capitale, Saïgon. Grâce à l'évolution des moyens techniques, 200 millions d'Américains vivent en direct à la télé les affrontements qui se déroulent à 12 000 km de chez eux et qui rythment les petits déjeuners, animent les dîners, enflamment les soirées. Cette guerre, comme les autres, traîne son cortège d'images macabres. Des dizaines de jeunes marines blessés, tirés à bout de bras par leurs camarades. Des visages usés et abîmés par les combats. Des familles vietnamiennes qui fuient avec leurs enfants dans les bras sous un déluge de napalm. Autant de scènes et d'images qui infligent à l'Amérique une mauvaise conscience durable, lancinante. Et puis, les pertes humaines, évidemment. 5 000, 10 000 et bientôt plus de 30 000 morts côté américain. À l'appel des principales organisations étudiantes du pays, mais aussi des associations pacifistes et des droits civiques, la jeunesse américaine descend dans la rue. Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes Américains ont brûlé leurs livrets militaires devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamer devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations. En tête des cortèges, on trouve des groupes étudiants venant de toutes les universités du pays, Berkeley et Columbia, entre autres. Ils ont le même discours, la même détermination, lutter pour dénoncer la conscription. Car depuis l'envoi des troupes au sol 2 ans plus tôt, la guerre du Vietnam n'est plus une guerre de volontaires. Face aux besoins croissants de chair à canon, l'armée enrôle désormais ses soldats de force et chaque jeune Américain majeur peut ainsi recevoir une lettre lui intimant l'ordre d'aller au Vietnam, soit pour tuer un ennemi inconnu, soit pour se faire tuer, ce qui sera le cas pour 30% des conscrits. Mois après mois, les milliers de cercueils qui reviennent par avion cargo aux États-Unis traduisent une guerre qui tourne au fiasco. Comme en témoignera plus tard le commandant en chef des forces américaines au Vietnam, le général Westmoreland. Ce n'est pas possible pour nous de perdre la guerre. Mais je me demande si nous pouvons gagner la guerre au sens politique. C'est très important et je trouve que l'opinion publique en France, en Europe, en Asie, en Amérique surtout, est très importante. Nous avons besoin d'un public qui est bien informé. Les communistes ont eu beaucoup de succès au point de vue de propagande. Heureusement, ils n'ont pas eu le même succès militaire. Conscription symbolise le cauchemar de toute une génération d'Américains, l'effroi. Alors pour l'éviter, les étudiants s'inscrivent à plein temps à l'université. Ensuite, ils continuent leur cursus jusqu'à ce qu'ils soient trop âgés pour appuyer sur les drapeaux et prendre le risque inutile, inacceptable de se faire tuer ou de revenir estropié à vie, infirme ou fou. Circonstance aggravante, aux États-Unis, les études supérieures coûtent très cher. Seuls les jeunes appartenant à la classe moyenne ou supérieure peuvent donc bénéficier de ce report étudiant. Pour les autres, c'est direct vers l'horreur, à des milliers de kilomètres de chez eux, où c'est la fuite. Ainsi, 300 000 jeunes Américains sauvent leur peau en vivant dans l'illégalité, la clandestinité. Parmi ceux qui se rebellent contre la conscription, il y a le boxeur Mohamed Ali. En refusant l'incorporation dans un centre de recrutement, il est condamné à de la prison, il perd sa licence de boxe et son titre de champion du monde des poids lourds. Il devient vite un symbole de courage, aux antipodes des pistonnés comme Donald Trump, par exemple. Après avoir eu droit à 4 dispenses médicales consécutives, il est finalement déclaré inapte au service pour cause d'épine osseuse dans les talons. Tout au long de l'année 68, l'agitation et la contestation étudiante contre la guerre du Vietnam sont à l'origine d'événements violents, tant sur les campus que dans le centre des principales villes américaines. À plusieurs reprises, les gouverneurs envoient la garde nationale pour rétablir l'ordre. À plusieurs reprises aussi, un mouvement apparaît en ligne de mire, le SDS. Plus vaste organisation de protestation étudiante, il est présent dans toutes les universités du pays et il dispose d'une aile militante radicale, les Weathermen, qui vont très vite durcir la lutte en utilisant la violence dans les rues et en saccageant des bâtiments de recrutement de l'armée. Si ces actions sont marginales, leur présence dans les rangs étudiants inquiète jusqu'à la Maison Blanche, où un nouveau président vient de s'installer. Richard Nixon, conservateur, anticommuniste primaire jusqu'à l'obsession, et pas le genre à faire des concessions avec la jeunesse que de toute façon il ne comprend pas et dont il a peur. Du Vietnam, Nixon ne connaît pas grand-chose non plus. Pendant sa campagne, il a vendu à ses électeurs l'idée d'un désengagement et d'une paix honorable avec le Viet Cong. Il prétendait même avoir un plan. Or, en coulisses, c'est son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, qui cherche une issue à la crise. conscient que le monde entier a les yeux braqués sur lui, Nixon ne veut subir ni défaite, ni humiliation. Alors, désengagement, oui. Renoncement, non. Mais comment sortir du bourbier vietnamien à la tête haute? Le président américain fait alors un choix funeste. L'escalade militaire, où les Américains vont jouer leur va-tout avant de rentrer chez eux. Bonsoir, mes chers compatriotes. Il y a 10 jours, dans mon rapport à la nation sur le Vietnam, je vous ai annoncé ma décision de retirer 150 000 de nos soldats l'an prochain. J'ai alors dit que je prenais cette décision malgré notre inquiétude face à l'augmentation de l'activité ennemie au Laos, au Cambodge et au Sud-Vietnam. À ce moment-là, j'ai averti que si une activité ennemie accrue dans l'une de ces régions mettait en danger les soldats américains restés au Vietnam, je n'hésiterais pas à prendre des mesures fortes et efficaces pour faire face à cette situation. Malgré mon avertissement, le Nord-Vietnam a intensifié son agression militaire, en particulier au Cambodge. Le 29 avril 1970, en direct à la télé, Richard Nixon prend l'Amérique de court. 15 jours seulement après avoir annoncé le retour de 160 000 hommes au pays, il annonce que dans le but de mettre fin à la guerre du Vietnam et d'obtenir la paix équitable que nous désirons tous, je reprends ces mots bien sûr, l'armée des États-Unis va bombarder les poches de résistance ennemie au Cambodge. Voilà. Partout aux États-Unis, ce discours créa une vive émotion, car sur les campus, les étudiants ont compris et ils se rassemblent. Aucun ne veut aller combattre ce nouvel ennemi dont beaucoup ignorent d'ailleurs la localisation sur une carte du monde. Campus universitaire de Kane State, État de l'Ohio, vendredi 1er mai 1970. Nous sommes ici à 60 km au sud de Cleveland, quelque part dans la campagne vallonnée du Midwest américain, dans ce que le magazine Rolling Stone décrit comme la plus grosse université inconnue du pays. En bordure de la petite ville de Kent, l'université d'État accueille un peu plus de 20 000 étudiants. Elle dispose d'un campus moderne, clairsemé avec des arbres, de la végétation et des convictions. Kent State abritait en effet jusque-là, il y a peu, une section très active du SDS, le mouvement de protestation étudiant contre la guerre au Vietnam. Considérés par la police comme des fauteurs de troubles et jugés par le FBI comme des gauchistes ou des communistes, les membres du SDS de Kent State, bien que dissous sur le campus et ses leaders envoyés en prison, est toujours placé sous étroite surveillance. D'ailleurs, pas moins de 5 agences de maintien de l'ordre observent les moindres faits et gestes des étudiants. La police des campus, la police municipale, le département du shérif, le FBI et même le renseignement militaire. Quoi qu'il en soit, au lendemain du discours de Nixon et de son annonce du bombardement du Cambodge, et d'ailleurs c'est le cas partout ailleurs dans les universités du pays, la colère envahit les campus. La guerre de Cambodge signifie en effet pour beaucoup d'étudiants la poursuite et pire, l'accélération de la conscription et donc le risque de partir combattre. D'autant que parmi les étudiants, le sort de cette guerre semble déjà scellé. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre parce que les peuples vietnamiens ne sont pas pour nous. Je n'aime pas la guerre et j'espère que notre armée retournera aux États-Unis parce que ce n'est pas notre affaire d'aller là. Alors, le groupe qui est ici, les 2 000, 3 000, je ne sais pas combien il y a, sont des gens qui viennent de partout dans les synagogues et des églises, églises catholiques et protestantes. Ici pour regarder la guerre, pour voir pourquoi la guerre est tellement injuste, écouter tous les arguments contre la guerre, et ensuite faire d'une manière réaliste une espèce de tactique contre la guerre, n'est-ce pas? Comment on fait en France les religieux, les intellectuels, contre la guerre en Algérie? On ne peut pas faire la guerre contre les gens, comment on vous dit, les guerrieros, si vous voulez. Les guerrieros, on ne peut pas le faire avec nos méthodes, n'est-ce pas? Vous les Français, vous avez compris ça? En fin de journée, plusieurs dizaines d'étudiants se rassemblent dans les bars du centre-ville de Kent. L'ambiance est bon enfant, mais vers 22h, la situation dégénère. Plusieurs d'entre eux commencent à taguer les murs des commerces alentours, puis d'autres s'en prennent à des policiers en patrouille, leur jetant des bouteilles en verre. Sur la rue principale, un cortège se forme. 100, 200 et bientôt 400 personnes, dont une très grande majorité d'étudiants du campus, mais aussi des activistes venus d'autres universités, défilent en criant à Abadikson ou vive Ho Chi Minh. La marche est pacifique, mais on assiste à des débordements. Des bikers se mettent à brûler des poubelles. Fort de l'effet groupe, certains individus alcoolisés jettent des pierres et des briques sur les vitrines. D'autres s'en prennent à la banque de la ville. Il faut attendre le milieu de la nuit pour que la police reprenne enfin le contrôle des rues. Le lendemain matin, samedi 2 mai, la population de Kent se réveille sous le choc. Partout en ville, les vitrines brisées témoignent des scènes de pillage. Au même moment, plusieurs radios locales diffusent une série d'informations. On y apprend que des commandos d'étudiants radicalisés et armés ont ravagé Kent et qu'ils auraient l'intention de recommencer de nouveau ce soir. Bien que fausses, ces informations vont créer et alimenter un climat de psychose de Cleveland jusqu'à Washington. Et c'était peut-être le but. À l'hôtel de ville de Kent, le chef de la police, un individu paranoïaque et impulsif, explique au maire avoir eu vent que des armes circuleraient sur le campus et que, écoutez bien, des wagons entiers d'étudiants anarchistes, communistes et radicalisés appartenant au SDS seraient en route pour réduire Kent en cendres. Totalement infondés, les propos du chef de la police vont pousser le maire à appeler le gouverneur pour que ce dernier envoie la garde nationale, carrément. Première étape, en tout cas, d'un engrenage infernal que personne ne pourra bientôt maîtriser. Au même moment, sur le campus, les étudiants se rassemblent de nouveau, pacifiquement, et manifestent contre la présence au sein même de l'université d'un bâtiment du ROTC, Corps d'entraînement des officiers de réserve. Pour beaucoup, il s'agit d'une provocation. Comme l'explique au mégaphone l'un de leurs représentants face à la foule. Nous protestons contre l'utilisation qui est faite de l'université. Nous protestons contre l'usage de l'université pour soutenir la guerre au Vietnam et d'utiliser la force contre des problèmes politiques. Et nous avons découvert que notre administration agit pareil. Le ROTC forme des officiers de commandement pour les forces armées. En plus d'un enseignement théorique sur les tactiques de guerre, les étudiants apprennent à manier des armes et combattre à main nue. Situé au cœur du campus de Kent State, le bâtiment du ROTC est une sorte de long dortoir sur un étage dans lequel on trouve toutes sortes de matériel appartenant à l'armée. En fin de journée, plusieurs centaines d'étudiants se rassemblent de nouveau autour du bâtiment et en empêchent l'accès. La tension monte avec la police des campus. Des projectiles sont lancés. Et avec l'arrivée de la nuit, la situation dégénère de nouveau. Plusieurs individus portant des cagoules lancent des cocktails Molotov à travers les vitres du bâtiment. En l'espace d'un quart d'heure, le corps d'entraînement et les officiers de réserve de Kent s'embrasent. Et on entend une série de détonations qui font vibrer les murs des résidences étudiantes, toutes proches. Ce sont des munitions qui viennent d'exploser. Alors que les pompiers interviennent pour maîtriser l'incendie, on entend soudain des voix résonner au mégaphone. Et là, ce sont les soldats de la garde nationale. Ils hurlent. Vous êtes en violation directe de la loi anti-émeute. Dispersez-vous immédiatement. Dans les secondes qui suivent, les étudiants deviennent la cible d'une pluie de bombes lacrymogènes et autres grenades de dispersion. Au même moment, une dizaine de camions bâchés et des véhicules blindés de la garde nationale encerclent le centre du campus. Dans la bousculade, plusieurs enseignants observateurs sont frappés, jetés au sol par les soldats. L'ensemble des étudiants part se réfugier dans les bâtiments et la résidence universitaire. Dehors, les soldats de la garde nationale traquent tous ceux qu'ils croisent. Le lendemain, samedi 2 mai, au petit matin, un détachement de plus de 800 hommes de la garde nationale quadrille le campus de l'université de Kent State. 400 autres sont déployés un peu partout en ville. Au centre de l'université, les ruines fumantes du bâtiment incendié du ROTC et les centaines de cartouches de gaz lacrymogène témoignent des affrontements de la veille. Lors d'une conférence de presse improvisée à la hâte, le gouverneur de l'État de l'Ohio, Jim Rhodes, réagit avec colère. Les scènes que nous avons vues ici à Kent sont probablement les formes de violence les plus vicieuses perpétrées par des groupes dissidents. Nous avons ces mêmes groupes qui vont d'un campus à un autre et ils utilisent les bâtiments de l'université comme un sanctuaire. Et c'est là qu'ils élaborent leur plan pour brûler, détruire et jeter des pierres, voire pire. C'est pour cette raison que nous allons utiliser tous les moyens dont nous disposons et nous allons éradiquer le problème, pas juste traiter les symptômes. Propos incendiaires, car livrés eux-mêmes sur le campus et placés sous les ordres de chefs inexpérimentés, les soldats de la garde nationale vont aller jusqu'à commettre l'irréparable. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il n'y avait personne ce matin autour de la table de la conférence de Paris sur le Vietnam. Vous vous souvenez qu'au moment de l'extension de la guerre au Cambodge et de la reprise des bombardements sur le Nord-Vietnam, Hanoï avait dit que ces deux événements pourraient avoir de graves répercussions sur les pourparlers de Paris. Eh bien, ce matin, le porte-parole de la délégation du Nord-Vietnam a dit à Maurice Werther en quoi consistent ces répercussions. Sa protestation énergique contre ces actes extrêmement graves des États-Unis, la délégation du gouvernement de la République démocratique du Vietnam déclare ne pas participer à la 66e séance de la conférence de Paris sur le Vietnam et la reporter au 14 mai 1970. Dimanche 3 mai 1970. Alors qu'à Paris, les négociations entre émissaires américains et nord-vietnamiens pour tenter de trouver une issue à la guerre piétinent. Au même moment, dans l'état de l'Ohio, sur le campus de l'université de Kent State, la situation prend une tournure inquiétante. Suite aux émeutes du centre-ville, l'incident du bâtiment du ROTC, le corps d'entraînement des officiers de réserve, suivi de l'incendie de ce même bâtiment, et enfin, avec l'arrivée de la garde nationale, il flotte au-dessus de Kent une très grande tension. D'un côté comme de l'autre, chacun s'observe. Et les journalistes ne s'y trompent pas. Le face-à-face entre les étudiants pacifistes et les soldats en armes fait craindre le pire. Depuis la fin de la matinée, de nombreuses rumeurs circulent dans les rangs de la garde nationale. épuisés par cette première nuit et inquiets, les soldats relaient entre eux des histoires délirantes. Certains prétendent ainsi que des espions communistes seraient présents sur le campus. D'autres affirment que des caches d'armes auraient été découvertes dans des champs de maïs. D'autres encore prétendent que des bus remplis d'étudiants du SDS se préparent à débarquer à Kent pour se battre. Le général Del Corso, chef de la garde nationale, est lui-même persuadé que des snipers sont présents sur le campus. Le général voit un complot communiste à chaque coin de rue, comme Nixon et sa clique à la Maison-Blanche. Le militaire affirmera plus tard avoir été convaincu que les étudiants anarchistes du SDS de Kent recevaient leurs ordres de Moscou. Mais le véritable problème est ailleurs. En réalité, cette garde nationale de la Ohio, chargée du maintien de l'ordre, n'est qu'une vaste mascarade. Derrière les uniformes et les armes de guerre, qui datent souvent de la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs, les hommes de Del Corso sont sous-entraînés, sous-expérimentés, et ils ont peur des étudiants, persuadés que ces derniers sont armés. Cette situation importe peu au gouverneur Jim Rhodes. Grand adepte de la théorie de la loi et de l'ordre, il explique vouloir faire de Kent State un exemple. Après avoir rassuré la population, Rawls rencontre le général Del Corso, auquel il donne carte blanche pour mater ce qu'il appelle les dangereux gauchistes. Fort de cet encouragement, Del Corso va alors employer la manière forte. Quelques heures plus tard, alors que les étudiants s'assoient par terre au milieu du campus pour protester contre le couvre-feu, Del Corso lance ses hommes à l'assaut. Galvanisés par le discours du gouverneur, les soldats frappent, tabassent et vont même jusqu'à poignarder ou taillader les bras ou les cuisses des étudiants avec leurs baïonnettes. Toute la nuit, le balai des hélicoptères militaires résonne au-dessus de la ville de Kent. Sur le campus de l'université, des projecteurs géants quadrillent les espaces verts entre les bâtiments. Un journaliste de CBS dira « On se serait cru cette nuit-là en temps de guerre, on se serait cru à Saigon ». Lundi 4 mai 1970, le jour se lève sur l'Ohio et sur une ville en état de siège. Plus de 1000 hommes de la garde nationale filtrent les accès au campus de Kent State. Des sentinelles armées sont postées à l'entrée de chaque bâtiment. De nombreux étudiants qui étaient partis en week-end reviennent à l'université et découvrent les cendres toujours fumantes du bâtiment du ROTC. Une manif est prévue à midi au centre du campus. Les soldats de la garde nationale, eux, sont exténués. Certains n'ont quasiment pas dormi depuis plus de 3 jours. Et beaucoup ont pris des drogues pour rester éveillés. C'est dans ce contexte qu'intervient le rassemblement étudiant. Environ 500 jeunes se réunissent sur la pelouse au centre du campus. Parmi eux, aucun membre du SDS ou des Weathermen, non. Et dans leurs mains, les étudiants n'ont que des livres, des foulards pour se protéger des gaz, aucune arme, aucun couteau. Mais dans les minutes qui suivent, la garde nationale donne l'assaut. Masque à gaz sur le visage, fusil mitrailleur en main, les soldats marchent en direction des manifestants. Ils les repoussent, ils les encerclent, ils les dispersent. Au bout d'un quart d'heure, malgré la confusion, tout danger semble être écarté. Lorsque soudain, un groupe de soldats se met en position de tir. J'ai vu les gardes se retourner ensemble de l'autre côté, de mon côté. Ils ont levé leurs fusils tous ensemble et ils ont fait feu. L'ami avec qui j'étais m'a poussé à l'intérieur du hall. Une fois dedans, quelqu'un est venu nous dire que des gens avaient été touchés. Sur les nombreuses photos prises ce jour-là, on aperçoit un groupe d'une dizaine de soldats mettre à genoux à terre et tirer sans sommation sur la foule. Certains étudiants pensent alors à des tirs à blanc. Non, les fusils sont chargés de balles réelles et c'est un carnage. Ensuite, ce sont les cris de ceux encore en vie qui voient le sol jonché de cadavres, de leurs amis, leurs proches, leurs camarades. Au total, une vingtaine d'étudiants sont touchés, 9 gravement, 4 sont tués sur le coup, tous étaient à plus de 80 mètres des gardes. Tous étaient non armés. Ils ne constituaient pas une menace. Suite à la fusillade, la colère se propage sur tous les autres campus universitaires du pays. Plus de 4 millions d'étudiants prennent part aux grèves massives qui vont secouer l'Amérique pendant plus de 2 semaines. Partout, les policiers sont pris à partie, les soldats de la garde nationale caillassés et des bâtiments sont incendiés. Sur place, le correspondant de RTF à Washington, Emmanuel Delataille, raconte. De l'affaire du Cambodge aux quatre étudiants tués dans l'Ohio, la réaction en chaîne a relancé tout le mouvement protestataire. Dans toutes les universités, on s'active, objectif, grève générale, mobilisation de l'opinion contre la guerre du Vietnam, contre les militaires, contre la politique Nixon, manifestations improvisées, y compris devant l'ONU. Dans ce mouvement, il n'y a pas que ces étudiants que le président Nixon qualifiait de voyous et que le vice-président Agnew attaque quotidiennement. Il y a aussi des professeurs, des recteurs, une bonne partie de l'intelligentsia libérale qui supplie le président Nixon de mettre fin à une guerre du Vietnam qui risque de couper dramatiquement la nation américaine de sa jeunesse. L'enquête du FBI ne permet pas de lever toutes les zones d'ombre sur la fusillade. Les armes qui ont servi à tirer ont disparu. Une chose est certaine, en revanche, les 90 enquêteurs confirmeront que parmi les étudiants, aucun d'eux n'était armé. Et qu'il n'y avait aucun sniper prêt à tirer sur la garde nationale. Le rapport du FBI pointera aussi les mensonges, les manquements et les omissions de beaucoup de soldats interrogés. Tout comme le rejet de la responsabilité par la chaîne hiérarchique militaire pour qui les soldats ont tiré car ils étaient assiégés. Les 8 hommes de la garde nationale qui ont utilisé leurs armes ce jour-là seront tous acquittés. Plus tard, la commission chargée d'élucider les conditions de cette fusillade critiquera ouvertement les manifestants. Dans son rapport, elle conclut que, et je cite évidemment, « les tirs aveugles de fusils de guerre dans une foule d'étudiants et la mort entraînée par ces tirs ont été inutiles, injustifiés, inexcusables. » Élément surprenant, et qui témoigne du contexte de l'époque et de la crainte d'une partie de la population envers les mouvements étudiants, un sondage d'opinion révèle que 58% des Américains considèrent que ce sont les étudiants les seuls responsables de la fusillade de Kent State. Le journal de la ville titrera une semaine après les faits en pleine page « Merci à la garde nationale de l'Ohio ». 16 mois après la fusillade, le 13 septembre 1971, par un curieux concours de circonstances, l'affaire de Kent State refait surface lors d'une conversation à la Maison Blanche. Cet après-midi-là, Nixon reçoit son chef de cabinet, Bob Haldeman. L'échange entre les deux hommes concerne les meutes survenues dans une prison quelques jours plus tôt. L'intégralité de leur conversation est enregistrée sur cassette audio. Haldeman parle et il dit « 10 otages et 33 détenus ont été tués, la plupart lorsque les policiers ont donné l'assaut. » Nous ne disposons pour l'heure d'aucune information sur d'autres révoltes de détenus noirs. Mais le FBI craint d'autres troubles dans d'autres prisons. Ce à quoi Richard Nixon répond. Vous savez ce que je pense de tout ça, Haldeman. Cela pourrait avoir un effet salutaire. Vous savez, on peut dire ce qu'on veut à propos de ces extrémistes. Vous savez ce qui les arrête? C'est d'en tuer quelques-uns. Vous vous souvenez de Kent State? soldiers and Nixon's coming. We're finally on our own. This summer I hear the drumming. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. For dead in Ohio. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la fusillade de Kent State, dont nous allons parler avec notre invité, Thomas Znegaroff. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice Rouel. Vous connaissez bien cette émission, ça fait, on va dire, plusieurs fois que vous venez, mais c'est normal. Quand on a sous la main un historien spécialiste des États-Unis, qui est journaliste à France Info, on l'a sous la main, on le prend. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier s'appelle Pouzi, paru chez Gallimard en octobre dernier, dont nous reparlerons plus tard dans cette émission. On en a parlé il y a un mois d'ailleurs, oui. quand il est sorti. Bah, c'est le hasard, vous revenez, il y a toujours ce livre qui est là, qui est très intéressant, qui n'est pas directement lié à notre thématique là aujourd'hui, mais qui parle des États-Unis. De toute façon, il parle des États-Unis. Bien, on a dit en toile de fond de toute cette affaire, il y a la guerre du Vietnam, bien sûr, l'engagement militaire américain sur place. Il s'agit, je crois, de l'un des épisodes les plus traumatiques de l'histoire américaine au XXe siècle. Quelle est selon vous la nature de ce traumatisme si fort que le cinéma, notamment, s'en est emparé? Et ce n'est pas fini, j'imagine. Oui, parce que je crois que la guerre du Vietnam est pour les Américains une véritable crise existentielle. C'est peut-être moins l'issue même, quoique l'issue est importante, la défaite militaire c'est quand même un traumatisme, mais que même la raison et la justification de cette guerre qui est posée. Vous savez, les États-Unis, et on avait fait une émission sur la guerre des étoiles ensemble, les États-Unis, à chaque fois... Il y avait une métaphore d'ailleurs. Voilà, et la guerre du Vietnam est au cœur de cette métaphore, entre, si vous voulez, la République et l'Empire. L'Amérique se pense comme une République qui lutte contre l'Empire et tout ce qu'il y a derrière d'idées obscures. Or, cette guerre-là, c'est précisément peut-être le moment où l'Amérique se pose la question de qui elle est. Est-ce qu'elle n'est pas en train de devenir l'ennemi qu'elle est censée combattre depuis ses origines, dans la mesure où là, les États-Unis se comportent quasiment comme un empire qui combat un peuple qui défend sa propre détermination, ce qu'on appelle son autodétermination. Et pour reprendre la guerre des étoiles, dans l'épisode 6, qui est en fait le troisième épisode tourné, Le Retour du Jedi en 1983, beaucoup ont vu dans les Ewoks et dans leur combat de la guérilla, qui sont des gentils hein, dans la saga, eh bien peut-être la métaphore des combattants Vietcong qui combattent pour leur propre survie face à une armée ultra entraînée, ultra industrialisée, avec des armements incroyablement modernes, mais qui va être vaincue parce que l'idéologie n'est pas de son côté. Et donc il y a, dans cette question que vous me posez, cette vraie interrogation de qui sommes-nous en tant qu'Américains? Et puis il y a une autre question qui est posée par la suite, et qui va se poser à la fin des années 70, et qui va entraîner peut-être l'élection de Ronald Reagan. Dans les années 70, il y a une vraie question sur quelle est la place, non seulement de l'Amérique dans le monde, mais de l'homme américain. Il y a une vraie question autour de la virilité, de la question du corps. America is back. Voilà, America is back, ça sera la réponse. C'est Reagan, c'est la réponse de Reagan. En tout cas, ça sera la réponse à ces quelques années de très très grands doutes après la chute du Vietnam, après la perte pardon de la guerre du Vietnam, qui va s'incarner par des présidences plus faibles, comme celle de Jimmy Carter, par exemple. Et l'affaire des otages en Iran. Absolument, qui montrera bien peut-être que l'Amérique est en train de se déclasser, de s'affaiblir et que, vraiment j'y reviens, l'homme américain n'a plus sa place, n'a plus la même place que par le passé, et Reagan va arriver en forme de catharsis à cela en disant « America is back », l'homme américain est de retour et va offrir une consolation à ce moment un peu d'inquiétude et d'interrogation existentielle. Il y aura aussi le problème, c'est l'État, jetant les bases du système qui aujourd'hui a gagné, qui est celui du libéralisme. Du libéralisme, absolument. Voilà, l'école de Chicago. Bien, je reviens pas. D'ailleurs, on reste dans les États-Unis. Quand même, au nom de la guerre froide, on a envie de dire quelques décennies après, ils sont devenus fous. Au nom de la guerre froide, au nom de cette parano anticommuniste des Américains, il y a la chasse aux sorcières, c'était pas reluisant déjà. Et puis il y a cet engagement au Vietnam, qui est un bourbier, et qui va donner cette crise morale profonde, au nom de la guerre froide, de la parano de la guerre froide. Alors on peut dire, parfois on dit, quand même du temps de la guerre froide, finalement on était en sécurité. Oui. Ben non, du temps de la guerre froide, on était en pleine parano, il faut le rappeler. En pleine parano, et on était peut-être en sécurité quand on était dans des grandes puissances, mais il y avait des terrains d'affrontement tiers, par exemple le Vietnam, par exemple la Corée, où il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts. 55 000 jeunes Américains ont perdu la vie, et des centaines de milliers de Vietnamiens, sans compter quasiment un million de Coréens, quelques années plus tôt. Donc effectivement, cette guerre froide froide les a rendus fous, avec effectivement, vous avez employé le mot d'endiguement, l'endiguement qu'on emploie souvent pour l'Europe avec le mur de Berlin ou le rideau de fer. En l'occurrence, ici, il y a aussi une forme d'endiguement parce que la grande crainte des Américains, c'est que le Vietnam devienne le Laos, le Cambodge, et donc il y a une sorte de ce qu'on appelle une théorie des dominos, et que les pays tombent les uns après les autres dans l'escarcelle communiste, ce qui va d'ailleurs se passer, hein, puisque dans la foulée, le Vietnam du Nord, puis le Vietnam du Sud, puis le Cambodge, puis le Laos vont tomber dans l'escarcelle. Mais effectivement, et le point commun entre la chasse aux sorcières et cette période, c'est un homme, c'est Richard Nixon. Mais oui, Richard qui était avocat, bien sûr, de celui qui a mené McCarthy. Oui, Joseph McCarthy. Mmh. Mais Nixon a été aux premières loges, aux premières lignes à ce moment-là, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'est fait connaître par cela. C'est pour cela que Eisenhower l'a choisi comme vice-président, parce qu'il avait l'image d'un homme courageux et ferme qui ne lâchait rien face aux communistes. Et c'est lui qui arrive au pouvoir. Alors, faut quand même nuancer. Il arrive au pouvoir et il hérite de cette guerre. Cette guerre, elle a été décidée par Kennedy, surtout par Johnson après lui, et quand il arrive au pouvoir, vous l'avez dit tout à l'heure, il arrive en disant on va sortir du Vietnam. En réalité, il ne va pas y sortir très vite, bien au contraire, ça va être extrêmement long, et l'épisode de Kent State que vous avez magnifiquement évoqué et narré tout à l'heure s'inscrit précisément dans ce moment-là où au contraire, alors que Nixon annonce une désescalade ou même un repli des soldats américains. Au contraire, il est quasiment dans une idée d'invasion du Cambodge qui va mettre le feu aux poudres au début du mois de mai 1970. Avec ce principe contradictoire qu'on peut appeler le désengagement par l'escalade militaire. Voilà, l'escalade militaire qui tient en un terme qui est celui de la vietnamisation du conflit, à savoir nous allons repartir chez nous, mais en repartant, nous allons former le Vietnam du Sud à être capable de réagir et de répondre et de résister à la menace du Nord. Ça va être un échec total, mais c'était la stratégie de vietnamisation du conflit qui était une stratégie terrible humainement, moralement, mais qui avait sa justification du point de vue politique de la part de Nixon, qui était de ramener les boys à la maison. Il va le faire très lentement, de manière beaucoup moins puissante qu'il l'avait promis lors de sa campagne présidentielle de 68, mais il va encore une fois le rappeler en 72 lorsqu'il sera réélu triomphalement quand même avant de démissionner à cause du Watergate, autre crise morale de l'époque. On va se retrouver, Thomas Negerov, dans 3 minutes après avoir écouté un Américain, Bruce Springsteen. Ah, sur le sujet. Let her to you. Summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Happiness and cafe. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. Springsteen sur France Inter dans Affaires Sensibles où nous parlons de la répression à Kane State, la répression policière contre les étudiants au cœur d'une période difficile d'ailleurs pour tous ceux qui étaient au pouvoir aux États-Unis, hein, avec une convergence des luttes. Bruce Springsteen. Oui. Alors, Thomas, oui. Ça m'est venu là. Parce il ne fait pas que chanter. Alors, la chanson qu'on entend là, c'est une chanson récente, hein, du dernier album. Mm. Mais en 1970, très jeune chanteur, il écrit une chanson qui est assez méconnue, qui s'appelle Where Was Jesus in Ohio? Où était Jésus dans l'Ohio? Il écrit en juin 70. D'accord. Et il viendra la chanter en 74 à Kent State sur le campus de l'université. Springsteen aura toujours été le chanteur de la conscience ou de la mauvaise conscience ou de la bonne conscience américaine. En tout cas, dès l'époque, il y a 50 ans, il le faisait déjà. Born in the USA. Voilà, hein, absolument. Entre autres. Mm. Donc, on peut le dire, Thomas Negroff, il y a une convergence des luttes entre ceux qui luttent pour les droits civiques, les droits des minorités, les droits des Noirs, et puis ceux qui luttent contre cette guerre du Vietnam. On a une vraie convergence, on a une gauche américaine là qui s'exprime. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. D'un côté, effectivement, il y a objectivement des raisons d'une lutte commune. Dans la mesure où, à partir de 69, la première grande manif anti-guerre du Vietnam, c'est novembre 69, on considère que l'une des grandes injustices et inégalités, c'est que non seulement c'est les plus pauvres qui partent obligés faire la guerre au Vietnam et se faire tuer au Vietnam, mais essentiellement des Noirs américains. Ouais. Donc il y a, en plus à ce moment-là, un mouvement de convergence des luttes, parce que Martin Luther King a été assassiné en 68, en avril 68. Il y a un mouvement très fort de mouvement des droits civiques qui est vraiment violenté par les forces de l'ordre. Donc il y a tous les éléments qui poussent à cela. Après, la nuance, c'est que les militants des droits civiques noirs considèrent que les blancs ne mènent pas la même lutte qu'eux. Et ils ne souhaitent pas fondamentalement être avec eux, dans la mesure où ils considèrent que ces jeunes des campus qui ne risquent pas en réalité de partir faire la guerre du Vietnam, sauf ceux qui abandonnent leurs études parce qu'ils sont protégés par leurs études, mmh, et qui sont très souvent des jeunes de familles plutôt favorisées, regardent les Noirs avec peut-être un peu de condescendance et avec une raison, si vous voulez, supérieure pour continuer à faire la révolution en s'appuyant sur une cause qui n'est pas la leur. C'est malheur des autres. D'accord. Voilà. Ouais. Et là où les militants les plus actifs, hein, de la cause noire considèrent que, eh bien, ils se font un peu voler leur mouvement par ces jeunes, certes jeunes hippies, mais en fait jeunes un peu bourgeois, qui déjà leur ont fait le coup lors d'une autre histoire de la même époque, qui est la construction des grandes autoroutes urbaines. Aux États-Unis, on construit dans ces années-là les grandes autoroutes urbaines qui vont dans les grandes villes. Vous connaissez peut-être les grandes villes américaines. Vous avez une huit voies qui passent par milieu. Huit voies. Et quand il a fallu construire ces huit voies, eh bien, comme par hasard, le plan de ces huit voies dans les années fin des années 50-60 passait systématiquement dans les quartiers noirs. Alors, les Noirs se sont mobilisés. Avec expropriation et poignée. Voilà. Tout le monde s'est mobilisé, et y compris aussi dans certains quartiers blancs. Tout le monde s'est mobilisé, mais les blancs ont réussi à ce que dans les quartiers blancs, et notamment les quartiers universitaires, ces grandes autoroutes ne passent pas. Mmh. Les Noirs n'ont pas eu cette capacité de mobilisation et de lobbying. Et aujourd'hui, tous les quartiers noirs ont été vraiment dévastés par ces autoroutes. Et donc, il y a ce souvenir d'une lutte qui aurait pu être en théorie commune, mais qui ne l'a pas été, avec effectivement ce sentiment pour les Noirs que les blancs, petits blancs bourgeois, se servent un peu de leur lutte. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de convergence, mais la convergence n'a pas été totale et n'a jamais été complète. C'est clair et c'est complet. Alors, bien sûr, il y a eu d'autres violences sur d'autres campus, mais qu'est-ce qui fait que Kent State c'était aussi c'est circonstanciel, c'est parce qu'il y avait ces flics là, ce patron là. Vous pensez qu'il y a voilà, c'est la circonstance particulière. Il y a plusieurs facteurs. Il y a, vous l'avez dit, hein, l'importance de l'implantation du mouvement SDS, c'est le mouvement étudiant pour la démocratie, mouvement de gauche, et surtout les Weathermen, c'est les plus radicaux d'entre eux, et beaucoup étaient venait de là, de Kent State. C'est une très grande université vraiment pas tenue, mais dans laquelle il y a des éléments vraiment très très à gauche et très radicaux qui posent des bombes. Les Weathermen sont pas des gentils hippies, c'est des gens qui posent des bombes. Alors ils préviennent avant pour ne pas tuer des gens, mais enfin quand même c'est des gens qui sont prêts à passer à l'action. Il y a surtout une garde nationale, vous l'avez dit, épuisée, qui n'en peut plus. Et ce qui est intéressant de savoir pour nos auditeurs, c'est que qui fait partie de la garde nationale. En fait, ce sont que des volontaires assez peu formés, et beaucoup sont des jeunes gens qui se sont engagés dans la garde nationale pour ne pas aller faire la guerre du Vietnam. Et donc, c'est des types qui se retrouvent là, peut-être même face à leurs potes, mais qui, épuisés et face à des ordres qui partent dans tous les sens, parce qu'il y a un vrai problème du commandement, le Major Jones, là, qui prend en main les choses, il part dans tous les sens. Vous avez un maire qui est perdu, un gouverneur Rhodes qui ne pense qu'à sa réélection, il y a des enjeux politiques de partout. Et puis un général, le général aussi, qui se trompe complètement de stratégie, qui est perdu, que l'on voit perdu sur le campus, qui prend des étudiants qui vont en cours pour des étudiants qui sont en train de se mobiliser. Bref, personne ne sait véritablement ce qu'il doit faire. Et puis à la Maison Blanche, il y en a un autre, Richard Nixon, qui se dit, tiens, peut-être que ce grand mouvement de retour à l'ordre pourrait m'être favorable, et notamment dans la perspective d'une réélection potentielle en 1972. Donc vous avez une série de facteurs, une série de critères qui font que à Kent State en particulier, ça va virer au drame, sans compter l'armement, les M1, les armes dont disposent les soldats de la garde nationale sont des rebuts de la Seconde Guerre mondiale, des armes incroyablement destructrices et qu'on n'est pas capable d'utiliser de manière rationnelle ce jour-là. Et quand on dit que le fake news peut être destructeur et meurtrier, là on est dedans. On fait croire qu'il y a des snipers de partout, et donc les gamins qui sont dans la garde nationale ont peur qu'on leur tire dessus, et la peur, on sait bien que c'est une très mauvaise conseillère en l'occurrence. Bien sûr. Et ce général qui les commandait s'appelle Del Corso. Voilà, Del Corso. J'avais oublié son nom, mais je suis pas sûr que l'histoire ait de bonnes raisons de le retenir. Comment expliquer, c'est assez choquant ça quand même, qu'une large partie de l'opinion publique américaine ait pris fait et cause finalement pour l'ordre et la sécurité et contre les étudiants. Vous savez, c'est des fake news encore ça. Le soir du 4 mai, le soir de la tuerie, à la télévision, discours du président, où on évoque l'idée que les violences sont uniquement du fait des étudiants. Toutes les fake news sont relancées. On évoque le désordre de ces gauchistes, dangereux gauchistes. N'oublions pas quand même le terreau anticommuniste à l'époque. À l'époque, vous dites le mot communiste, vous avez immédiatement les Américains qui ont peur. On est dans une espèce, même si on est à un moment de la guerre froide, d'apaisement, quoique le Vietnam, c'est pas de l'apaisement, mais en tout cas, on est dans une phase, disons, on n'est pas dans les années 40, à la fin des années 40, mais enfin, on est quand même à un moment de peur encore du rouge aux États-Unis. Donc vous avez ce facteur-là qui joue un rôle. Et puis vous avez, pour beaucoup de gens qui vivent très loin des campus, très loin de l'université, ils sont agités par le fantasme de l'étudiant dangereux, gauchiste, anticapitaliste. Quand ils voient à la télévision des banques attaquées, ils se disent « Mon Dieu, c'est l'Amérique qu'on attaque !» Et le pouvoir va jouer un rôle de pompier pyromane à ce moment-là, en jouant là-dessus. Et vous savez, Donald Trump a voulu être réélu avec ce mot d'ordre de cette époque-là, qu'il a réutilisé, la loi et l'ordre. La loi et l'ordre, c'est le mot et le concept fort de Richard Nixon qu'il applique ici. Et pour beaucoup d'Américains modérés qui ont un peu peur du gauchisme, un peu peur du communisme, ce qui s'est passé à Kent State, finalement, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Les œufs, ils ont été cassés par les étudiants. L'omelette, elle a été faite par la garde nationale qui a protégé l'Amérique et ses valeurs. Pour eux, on est donc dans le drame acceptable. C'est un peu ça. Bon, dites-moi, Pudsey, donc, le titre de votre... Vous avez 50 secondes pour sans m'en parler. Transition. Sans transition. Alors ce Pudsey, qui est-il? Que dit-il? Que fait-il? Où va-t-il? Que veut-il? Alors, c'est intéressant parce que on est encore un peu comme un Kent State on soulève le tapis des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a l'image des États-Unis, la grande puissance qui lutte contre la barbarie. Et puis, là, on a vu l'autre image de l'Amérique qui peut parfois être attirée par sa face obscure, pour reprendre encore des termes de la guerre des étoiles. Pudsey, c'est un homme américain et allemand, américain par sa mère, allemand par son père, qui va travailler au service d'Hitler, puis qui va devenir le confident pendant la Seconde Guerre mondiale de Roosevelt, Et pourquoi je parle du tapis qu'il faut soulever, c'est parce qu'à travers ce livre, je raconte l'histoire du fascisme aux États-Unis, le fascisme américain qui a été très puissant dans les années 30, absolument. Qui a existé dans les années 30 et qui a perduré pendant bien longtemps encore. Merci infiniment, cher Thomas. Merci, merci beaucoup, Fabrice. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la fusillade de Kent State. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Pauline Averdure.